sert à zen. Oh, ça c'était marchand. À part mes tracks, j'ai rien à vendre. Ok, t'es prêt? Yo. Ok, oh. Malgré cette époque de qui prend corps, je suis toujours à l'aise dans mes godillots. C'est pareil quand je passe mes textes devant ce micro. J'ai toujours le même délire et principio. J'apprends pas le bonheur authentique ou les good manières chez les aristos. Je cèderai pas au vertigo du candy bis qui capte à demi-mot. Le refus d'allégeance, mais non, non, non, mais qui capte, qui redoute le classico. Les derniers signes, la fin des haricots. Cherche pas l'ennemi, t'es à côté de l'écrito. Gagne pas la paix avec des conflits. Que tu sois green, couleur coquelicot. Noir, je suis blanc bec ou black bico. On est tous créés par le même trait. Oh, R-I-C-R-Z. Oh, c'était marchande. À part mes tracks, j'ai rien à vendre. Eh ouais, mon cœur, mon âme, mon corps sont pas à vendre. Eh ouais, oh. Malgré tes moyens pour pilonner avec tes fakes humanistes hospitaliers, j'suis toujours là sans m'émerveiller de l'entraîne de vie, de dérailler. J'ai tant d'obstacles à déblayer sur le chemin de ma vie, ma destinée. Comme je me défendre ou décliner cette force obscure, trop maquillée, qui tente en vain de me baïonner. M'aligner dans son délire de merde titanisé. Où ils ont tous ce truc de familier, la main cornue, de pas former. Et de rétine, bien poudré par le marchand de sa balaye droit crevé. Eh ouais, oh. Ça c'était marchand. À part mes tracks, j'ai rien à vendre. Eh ouais, mon cœur, mon âme, mon corps sont pas à vendre. Eh ouais, oh. Ça c'était marchand. À part mes tracks, j'ai rien à vendre. Eh ouais, mon cœur, mon âme, mon corps sont pas à vendre. Eh ouais, oh. Ça c'était marchand. À part mes tracks, j'ai rien à vendre. Eh ouais, mon cœur, mon âme, mon corps sont pas à vendre. Eh ouais, oh, R-Z.